Vous êtes à l'écoute de Futur Simple sur CKRL 89.1 avec Valérie Levé et François Grégoire. On dit parfois que la précaution est de mise avant d'agir. Il y a aussi ce fameux principe de précaution invoqué lors de l'application ou l'utilisation de technologies aux conséquences incertaines comme les OGM ou les nanotechnologies. Mais que dit vraiment ce principe? Est-ce qu'il doit aider à encadrer l'application de ces technologies? Est-ce que son application revient à interdire ces technologies? Est-ce qu'il est vraiment utilisé à bon escient ou y a-t-il un abus ou un détournement de son sens? On va tenter d'éclaircir la situation avec Edith Delery, qui est professeure émérite de l'Université de droit à l'Université de Montréal et présidente sortante de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Bonjour Edith. Bonjour. Alors Edith, je vous propose pour commencer de nous définir un petit peu ce qu'est ce principe. On dit rapidement le principe de précaution, mais précaution de quoi finalement? Qu'est-ce que c'est et d'où il vient finalement ce principe? C'est pas un principe qui est univoque. C'est un principe que j'appellerais à géométrie variable. Mm-hmm. Bon, c'est un principe qui a été tout d'abord introduit dans les politiques publiques en Allemagne dans les années 60. Là, bon, oui. Qui a ensuite été, c'est un peu introduit dans l'Europe du Nord, qui a été repris sur le plan international. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un principe qui, dans l'évaluation des risques, bon, jusqu'ici basé sur effectivement des vérifications scientifiques objectives, vérifiables, hors de tout doute, oui, ouvre le passage à l'incertitude scientifique. Compte tenu effectivement de la multitude des activités technologiques et scientifiques qui touchent l'ensemble des activités humaines, on fait face aujourd'hui effectivement à des risques de catastrophes, notamment en matière environnementale, on a fait aussi en matière sanitaire et alimentaire. Donc, on peut dire que c'est un principe de politique publique, de gestion des risques. Bon, ça c'est une chose qu'on peut pas considérée comme acquise, mais si on essaie de voir les éléments de définition, on voit que sur le plan international, par exemple, il n'y a pas de définition bien arrêtée, bien non, assise. Il y a des variations. Je vais prendre, par exemple, l'application dans la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement. Bon, son application semble limitée aux dommages graves et irréversibles. Bon. Dans d'autres documents internationaux, la Convention sur les changements climatiques, les mesures adoptées doivent prendre en compte un rapport coût-efficacité. Elles sont temporaires et donc parfaitement révisables à la lumière des nouvelles connaissances. Elles sont aussi fondées sur l'analyse de risque, les directives européennes, ce qu'on appelle le risk assessment. Bon. Donc, le principe de précaution peut, à l'occasion, impliquer un renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que là, c'est aux différents acteurs impliqués dans le développement scientifique et technologique de faire la preuve de l'absence de risque, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Mais je pense, la meilleure définition, je pense qu'elle celle qui ressemble tous les éléments là, que le principe de précaution peut prendre en compte, c'est celui-ci, je pense, qu'on retrouve en droit français et qui reprend un peu le principe qu'on retrouve dans le protocole de Carthagène. C'est-à-dire que le principe de précaution est le principe selon lequel l'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. Mmh. Évidemment, on peut l'étendre à l'environnement, on peut l'étendre au domaine sanitaire et au domaine alimentaire, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est un principe, comme je vous dis, qui a un géométrie variable un peu. Je retiens deux éléments, là, même peut-être trois. Donc, il y a un élément de risque, mais il faut savoir encore de quel risque on parle. Il y a des risques qui sont qu'on est capable de quantifier, qui sont avérés, qu'on est capable de quantifier, et puis peut-être qu'ils vont appeler à d'autres mesures, certaines mesures. Là, on est dans la prévention. Oui. Là, on est dans puis, la prévention. Il y a des risques qui sont potentiels, qu'on n'est pas du tout capable de quantifier. Puis, donc, ce qui débouche sur une incertitude assez importante. Donc, il y a cette question d'incertitude. Et puis, il y a les mesures à prendre. Donc, je pense qu'on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Oui, donc, justement, là, vous le disiez, il y a ces risques avérés, des risques qu'on est capable de quantifier. Et là, on tombe dans la prévention. On n'est pas dans la prévention. On est dans la prévention, effectivement. Ouais. Il y a des cas aussi dans lesquels... Donc, par exemple, qu'est-ce que ce serait ces risques avérés pour qu'on fasse la distinction dans les situations dans lesquelles on peut invoquer le principe de précaution et les situations dans lesquelles, finalement, ce n'est pas le principe de précaution, mais on fait de la prévention. Il y a des risques, par exemple, dans la matière industrielle. Bon, maintenant, on connaît les risques soulevés par l'amiante, donc il y a des mesures qui ont été mises en place. Là, bon, il y a dans dans tous les secteurs d'activité humaine, effectivement, la mise en place d'un certain nombre de mesures visant à contrôler les risques ou à les éliminer. Bon, écoutez, dans l'exemple que je pourrais donner là pour le moment, c'est dans le secteur alimentaire, par exemple, toutes les mesures de contrôle qui sont effectivement exigées par le MAPAC, là, bon, pour vérifier effectivement que les aliments sont fabriqués, qu'ils sont manutentionnés de façon sécuritaire et sanitaire. Bon, donc là, il y a toute une série de mesures d'ordre administratif, je dirais, de règlements qui sont pris pour s'assurer que tout ça est réalisé dans des conditions qui ne mettent pas en danger la sécurité humaine. On peut mettre le risque nucléaire aussi dans cette catégorie. Ce sera des mesures administratives et physiques. Exactement. Mais on est capable de le contrôler, ce risque-là. Oui, tout à fait. Donc, les mesures administratives peuvent être aussi d'ordre physique. Hein. C'est la mise en place d'un certain nombre de mesures. Mais pour le risque nucléaire, c'était un excellent exemple aussi. Et par contre, il y aura des technologies, des situations pour lesquelles le risque est inconnu. Oui, mais je mettrai entre les deux des situations dans lesquelles le risque est connu, mais on n'en connaît pas l'occurrence. Ah. Alors là, on est dans un espèce de continuum, si vous voulez, entre la prévention et la précaution. Donc là, ce serait plus la précaution qui effectivement s'appliquerait. Et on a le risque hypothétique. Donc le risque hypothétique, il est quand même fondé sur des études scientifiques. Bon, c'est pas un risque comme ça en l'air, mais aussi, il prend en considération, je dirais, des facteurs sociaux et économiques dans le cas des risques hypothétiques. Donc là, on est dans trois catégories de risques. Risque contrôlé, le risque dont on connaît l'existence, mais on n'est pas capable de mesurer effectivement l'incidence, et celui qui est hypothétique. Ce serait quoi comme exemple, par exemple? Est-ce que l'utilisation des nanotechnologies, est-ce que ça rentre dans ces risques hypothétiques, ou est-ce qu'on est déjà capable de quantifier les risques? Ce qu'il y a, effectivement, il y a des risques hypothétiques, par exemple, le relâchement dans l'environnement des matériaux en fait, nanotechnologiques. On n'est pas capable de mesurer, là, mais il y a des mesures qui peuvent être mises en place. C'est hypothétique parce qu'on n'a pas encore effectivement pu faire cette vérification. Oui. Madame Delery, vous êtes présidente sortante de la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Donc, vous êtes venue à plusieurs reprises déjà à l'émission nous présenter, nous parler des enjeux éthiques soulevés par les sciences et technologies. Et parfois, ces enjeux sont difficiles à résoudre. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est justement quand les enjeux sont difficiles à résoudre qu'on va faire appel au principe de précaution? On va faire appel au principe de précaution, effectivement, mais il faut dire, encore une fois, que je dis que c'est un principe de politique publique de gestion des risques. Ça implique de la part de l'État des mesures à prendre pour effectivement éviter des catastrophes et assurer la sécurité de ses ressortissants et aussi de la préservation, effectivement, de tout son environnement, qui est essentiel, évidemment, à la sécurité des participants. Donc, pour revenir à la question que vous posez, c'est un principe qui peut s'appliquer, effectivement. On l'a utilisé, d'ailleurs, dans le cadre des nanotechnologies, le principe de précaution, comme étant un principe à prendre en considération. Il peut s'appliquer, effectivement, dans un certain nombre de questions d'ordre éthique, mais pas dans toutes, nécessairement. Il y a des questions dans lesquelles où les valeurs en cause, si vous voulez, sont des valeurs morales qui ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des individus. Mais, par exemple, parce qu'on peut se demander à ce moment-là si, en fait, quel type de mesures on va mettre. Ça semble utilisé pour gérer les risques, on va adopter des mesures. Quel type de mesures? Ça va être des mesures administratives, des mesures physiques. Donc, il y a des mesures d'action, mais est-ce que ça peut aller jusqu'à l'inaction, jusqu'au fait qu'on interdit finalement, on bloque les nanotechnologies, par exemple, ou on bloque les OGM, comme un peu en Europe. L'approche catastrophique ou celle qui repose sur, évidemment, la théorie de la responsabilité de Hans Jonas, là, qui fait qu'effectivement, il applique un principe kantien, mais qu'à partir du moment où on est incapable de démontrer l'inexistence du risque, il faut arrêter toute action. Là, on est dans l'immobilisme. Est-ce qu'on tombe un peu dans l'immobilisme? Donc, là, ça a un effet pervers, parce qu'on n'avance plus. Donc, le principe de précaution, c'est un compromis entre ce qu'on considère comme risque acceptable, dans une certaine mesure, et sur le risque qu'on n'entend pas courir et donc de mettre des mesures en place. Ouais. C'est un principe d'action. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'abord de financer la recherche. Oui. Bon, ça, c'est un premier point. L'autre, c'est de recourir aussi à des mécanismes de participation du public pour voir de l'information. En fait, ce qu'ils considèrent comme un risque acceptable. Donc, informer le public, débattre des risques possibles et des actions qu'on peut entreprendre. Ça, c'est fondamental dans une société démocratique. Bon, c'est aussi se doter de moyens de contrôle. Bon, mettre en mesure en place, comme par exemple des observatoires. Donc, des mesures de contrôle périodique pour s'assurer effectivement que le risque prévisible ou possible, dès qu'il y a quelque chose qui se présente, hop, on peut mettre quelque chose en place pour l'arrêter. Ah bon. Oui, donc d'anticiper ou de préparer. C'est ça. Comme par exemple, dans le cas des nanotechnologies, le retrait d'un produit. Déjà prévoir effectivement des possibilités de retrait. Dans le cas des OGM, la question de la traçabilité. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être mises en place dans cette perspective-là. Il y a aussi bien évidemment légiférer pour proposer effectivement des réglementations qui vont dans ce sens-là. Donc si je comprends bien, donc en fait pour résumer un petit peu, donc il y avait les risques avérés, bon ceux qu'on est capable de quantifier, etc. Donc eux on va se mettre en mode prévention. Et quand le risque devient un peu moins connu, un peu plus potentiel, donc là on va mettre, il s'agit pas nécessairement les mesures, ça va pas être de l'inaction, mais on va mettre en place de la recherche, de l'information, des observations. Pour être capable de détecter le problème quand il surviendra et s'il de survient. Réagir. Oui, c'est ça. C'est ça. S'il survient. Mais les connaissances scientifiques peuvent affirmer ou confirmer l'existence du risque. Oui. Donc là, on va effectivement agir en conséquence. Là. Bon, mais elles peuvent aussi ne jamais l'affirmer. Alors, parce que je voyais un petit peu aussi un parallèle avec la recherche médicale. On a des traitements, on ne sait pas exactement si ça marche. Donc il y a un risque quand même pour les personnes à qui on va essayer ces traitements. Donc, et pour autant, même si on ne connaît pas le risque que courent ces personnes-là, il n'est pas non plus question d'arrêter les traitements, la recherche médicale, parce que sinon on n'avance pas. Donc est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec les autres risques qui pourraient exister dans la société, avec les autres risques potentiels? On ne veut pas nécessairement tomber dans l'inaction, mais être en mode observation, réaction, préparer des mesures. Dans le monde scientifique, que ce soit en matière environnementale ou médicale ou biomédicale, là, en fait, on peut prendre effectivement un certain nombre de mesures. En fait, l'OMS, à ce titre-là, de principe de précaution, ce qu'elle avait demandé, c'était la mise en place du comité d'éthique de la recherche. Bon. Et puis, ce qu'on peut demander aussi, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques, c'est que les membres des comités d'éthique soient formés, compte tenu effectivement des connaissances nouvelles, de manière à pouvoir effectivement évaluer le risque et l'acceptabilité du risque. Donc, la proportion risque-bénéfice. Là. Pour en venir à ce que vous disiez, si on appliquait effectivement l'approche catastrophique, ben, par exemple, il n'y aurait plus de vaccination aujourd'hui. Parce qu'il y a certains, effectivement, citoyens, citoyennes qui se posent des questions, par exemple, entre le lien et la vaccination et l'autisme. Mais si on considère effectivement l'effet bénéfique des vaccins par rapport effectivement au risque potentiel, là il y a quand même un problème. Mais même à ce moment-là, il n'y aurait plus de recherche, il n'y aurait plus d'essais cliniques. Il n'y aurait plus d'essais cliniques. Si on appliquait, il n'y aurait plus de vaccination non plus. Ouais, si on appliquait le principe de précaution dans le sens de Jonas, c'est ça. Donc, de catastrophisme où on arrête tout, il n'y aurait plus de recherche médicale. En fait, il n'y aurait plus d'essais cliniques. Non, c'est ça. On n'avancerait plus de toute façon, que ce soit dans ce domaine-là ou dans un autre. Ouais, c'est ça. Donc, à ce moment-là, quand je reviens donc à cette idée de risque potentiel, un peu difficile à déterminer, si on prend donc la décision de, on n'est pas dans l'inaction, on est en mode action, on va adopter des mesures, mais comment définir les mesures qu'on veut adopter face à un risque qu'on ne connaît pas? Alors là, les scientifiques ont quand même leur mot à dire, je dirais. Les citoyens aussi. Là. Le principe de précaution, comme je vous dis, c'est un principe général. Il ne dit pas quel type de mesures adopter, ni les valeurs qui sont en cause. Donc tout ça est effectivement, comme je vous l'ai dit, à débattre. Bon, il y a l'information à donner, il y a le débat qui doit s'instaurer, il y a les connaissances évidemment sur lesquelles on se base, bon, parce qu'il n'y a pas de vérification, mais il y a quand même sur le plan scientifique des assises qui sont effectivement fondées, bon, qui justifient cette approche de précaution. Là, bon. Et donc à ce moment-là, on regarde en fonction du danger potentiel, bon, le type de mesures qu'on peut mettre en place. Bon, je parlais tout à l'heure d'observatoire, ça c'est quelque chose qu'on peut faire de façon systématique aussi. Mais on observe bon, quoi? Prévoir, c'est ça, ouais. Bon, ben, c'est ça, de voir effectivement, d'un point de vue scientifique, comment ça évolue. Bon, quelles sont les nouvelles connaissances qui vont permettre effectivement d'évaluer l'existence de ce risque ou pas, d'en mesurer l'incidence effectivement. On en vient à la conclusion qu'il existe réellement. Bon, donc il y a toute une série de mesures potentielles, mais le principe comme tel ne nous dit pas quel type de mesures prendre. Non, c'est ça. Ni les valeurs sur lesquelles on doit effectivement s'asseoir pour justifier le type de mesures qu'on doit prendre. D'où la nécessité effectivement d'un débat. Il y a un élément démocratique aussi dans le principe de précaution dans son application. Et est-ce que c'est un principe qui est régulièrement appliqué finalement? Parce qu'on l'invoque souvent, on en parle, mais est-ce que finalement c'est quelque chose qui est appliqué? Il est souvent appliqué quotidiennement, je dirais pas. Mais il y a eu des exemples quand même de la part de certains États. Prenez l'exemple du sang contaminé, l'exemple de la vache folle, de la grippe aviaire. Au nom du principe de précaution, il y a des États effectivement qui ont décidé, par exemple, qu'on n'apporterait plus de bœuf anglais, ou qui effectivement, ah, c'est vrai. Oui. Donc, il y a des cas dans lesquels effectivement ce principe-là est appliqué. Dans le cas de la grippe aviaire aussi, on a cet élément-là. Et est-ce qu'il serait applicable également dans le cas de recherche, par exemple? Donc là, on n'est pas dans une application de la recherche, mais on fait de la recherche sur les cellules souches, sur les embryons, ou en tout cas d'autres sujets peut-être. Et est-ce qu'on pourrait appliquer, est-ce qu'on pourrait invoquer le principe de précaution pour dire non, on stoppe cette recherche parce qu'on ne sait pas sur quoi ça va déboucher? On pourrait l'invoquer, effectivement. Bon. Oui. Par rapport à certaines avancées scientifiques, là. Et je vous rappellerai d'ailleurs à cet égard que il y a certaines années, en génétique, il y a eu un moratoire que les scientifiques s'étaient eux-mêmes imposés, là. Bon. Compte tenu de l'état des connaissances. Et on peut se poser la question aujourd'hui par rapport à certaines avancées, là, scientifiques, là. Notamment, en génomique, là. Et quand on voit effectivement, bon, les perspectives qu'offre l'analyse du génome, bon, quand on voit effectivement les perspectives offertes par des outils comme CRISPR et l'utilisation qu'on peut en faire, qui peut être très bénéfique, mais il faudrait peut-être poser des interdits compte tenu effectivement des risques potentiels pour l'humanité. Il faudrait savoir qu'on s'assoit, qu'on discute effectivement de ce qu'on veut devenir demain matin, donc, de ce que c'est un être humain. Donc est-ce que ça peut permettre d'encadrer, sans interdire la technologie, est-ce que ça pourrait permettre d'encadrer l'usage, bah, la recherche et l'usage de la technologie? Ça pourrait permettre de le faire, effectivement. Ça pourrait de permettre d'encadrer et l'usage et la technologie. Mais à ce moment-là aussi, bon, on applique le principe de précaution. Est-ce qu'il faut, dans ce cas-là, mettre en balance le coût de... Bon, c'est une forme d'inaction finalement. On va dire non, on stoppe les recherches dans tel domaine ou on stoppe cette technologie. Donc, est-ce qu'il faut évaluer le coût de l'inaction? Parce que l'action va avoir... bon, il y a un coût à l'action, il y a un risque, mais il peut aussi y avoir un coût. Il faut toujours évaluer le coût de l'inaction. Il faut voir jusqu'où on doit aller et puis quelles mesures on peut mettre en place pour effectivement vérifier en fait si la décision qui a été prise était la bonne. Ouais. Parce que ce coût de l'inaction, c'est qu'on va peut-être passer à côté d'une découverte majeure. On va probablement passer à côté d'une découverte majeure. Donc c'est pour ça qu'en fait, les mises en place de mesures que j'appellerais progressistes, d'un encadrement, pourraient permettre effectivement d'éviter des catastrophes. Bon. Mais par rapport à certaines possibilités qui s'offrent, bon, l'utilisation de certains outils, et ce qui est prévisible, mais ce qui est possible, là, on tomberait dans la prévention. Là. Quand on est encore dans la prospective, le principe de précaution peut s'appliquer. Mais quand on va être devant, effectivement, le possible, là, ça va être autre chose. Ouais, ouais. Et finalement, est-ce qu'il est quelque part entériné, quelque part dans la loi, ce principe-là? Ou quand il est appliqué, on le retrouve dans certains droits internes. Je parlais tout à l'heure de l'Allemagne, dans le droit français, dans le droit européen de façon globale. On le retrouve à l'échelle internationale, des accords auxquels le Canada est parti, là, comme le protocole de Cartagena, par exemple. Qu'est-ce que c'est, ce protocole-là? C'est le protocole qui est... qui vise à la mise en place de la Convention de Rio. Donc, sur ça, la c'est diversité sur... biologique dans sa matière environnementale. D'accord. Donc ça, c'est pour, éviter des transferts de gènes, finalement, ou d'espèces indigènes dans d'autres pays, ou pour la maintien entre autres choses, par rapport à la diversité biologique, ça peut être beaucoup plus vaste. On peut penser aussi à une convention, par exemple... je pense que le principe de précaution avait été invoqué de Bamako concernant les déchets, là, l'interdiction effectivement d'importer des déchets en Afrique. Ah oui, d'accord. Et au niveau international, si chaque pays a une définition un peu différente du principe de précaution, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on prend pas le risque qu'on interdit quelque chose, mais de toute façon, on l'autorise ailleurs, et mondialisation, de toute façon, ça va pas faire grand-chose si on l'interdit chez nous. Tout dépend des conventions, effectivement, auxquelles on fait référence. En fait, là, il y a le problème entre la conciliation, en fait, sur le plan international, des conventions dans lesquelles le principe de précaution est invoqué, et les accords de l'OMC, les accords commerciaux. Donc là, mais même plus général, c'est le compromis qu'on cherche à faire de façon globale entre les accords de nature commerciale et effectivement tout ce qui concerne la protection de l'environnement, la protection effectivement sanitaire. De façon plus générale, pas juste dans le cadre du protocole de Carthagène, mais de façon plus générale sur l'application du principe de précaution, je ne sais pas, au Canada, aux États-Unis, au Japon ou en Europe. Si on n'a pas la même définition d'un pays à l'autre, mais que de toute façon la recherche, le commerce est mondialisé, finalement, que vaut l'application d'un pays, l'application du principe dans un pays, si ailleurs, pour la même situation, il n'est pas appliqué? Oui, on a effectivement un problème, je pense ici aux États-Unis par exemple. Mais il y a quand même une tendance à avoir une définition qui devienne plus... Consensuel et plus plus qu'on peut plus invoquer notamment droit européen par exemple. Et là, le droit européen doit l'inscrire dans toutes les lois nationales par la suite. Ah oui, d'accord, c'est repris après dans le droit de chaque pays. Bon, ben voilà qui va nous permettre d'y voir un peu plus clair dans ce principe. Peut-être faudrait-il d'ailleurs appliquer ce principe de précaution parfois avec précaution. Très certainement avec précaution, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il devienne un principe d'inaction. Voilà, exactement. Ce qui serait effectivement, je dirais, déplorable. Donc, il faut effectivement l'appliquer avec circonspection. Bien, merci beaucoup, Madame Delery. Donc, je rappelle que vous êtes professeure émérite de la faculté de droit à l'Université Laval et aussi présidente sortante de la commission de l'éthique en sciences et en technologie.